Des ciseaux de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est les palmarès, c'est fou! Bonjour et bienvenue au Palmarès C'est fou pour la semaine du 13 au 19 janvier 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. J'ai oublié de brocher mes feuilles, que ce genre de faire. Oh non! Mais ouais, tu vas tout être mêlé, tu sauras plus laquelle est la première, laquelle est la deuxième. C'est ça, et il faut qu'on se rende jusqu'au numéro 1. Je sais pas si tu savais ça, les Palmarès C'est fou, on se rend jusqu'au numéro 1 de chaque côté à la fin dans 3 heures environ. OK, puis on part de combien? De la 20e de chaque barre. C'est faisable, je pense. Ouais. Et d'ici là, on a des buts à atteindre dans chaque heure. Okay. On va faire Palmer Rest in Peace pour dire au revoir aux pièces qui nous ont quittées. Okay? Okay. Plus tard, on va avoir un instant classique avec les meilleurs moments d'assemblage requis. Ensuite, de ça, c'était fou. Là, on va reculer en arrière comme un va-et-vient. Okay, okay, ouais. Et on va terminer avec ailleurs dans les palmarès. C'est comme des escales. Vraiment, hein? C'est comme sur le mont Everest, sauf qu'à la place, c'est Palmaverest. C'est dur à dire. J'essaie de faire un jumeau avec Everest puis Palmarès. Ben écoute, on a compris. Moi, je salue tes intentions. OK, merci. Je suis très reconnaissant. Tu te pratiqueras tantôt hors onde. Je crois que notre début était beaucoup trop sérieux depuis quelques minutes, trop pas. Comme on essaie d'être drôle, mais sans vraiment rire. Comme pince sans rire, mais on n'est pas de même, nous autres. Pince sans rire. On est pas ce genre à rire de nos blagues. Vas-y. Y a-tu un lien avec les homards? Je sais pas, pince... qui explose, harmonica. Oui. Gag de radio en fer, je m'excuse. Aïe, aïe, aïe, c'est bon. C'est bon, mon Carlou. Donc, d'ici la fin de l'émission, on va savoir si nos numéros 1 sont toujours du côté anglophone. Wild Animals de The Cat Empire. Alors que du côté francophone, c'était Le Vent Vire de David Marin. Ce qui est drôle, c'est que Cat Empire, Cat, Carl le Cachoret. Radio Enfer. Moi, je changerais pas. Non. Non, t'es drôle. Hey, ça, ouais. Donc, on va commencer avec nos nouvelles entrées, bien sûr. Plus tard, on va entendre Jimmy Hunt, David et les Bois, Mono Grenade, Ariel, Trent Muller, Dr. Doug et The Pack 80. Dr. Doug. Mais on commence en 20e place francophone. Vous allez voir, c'est un petit cookie. Dédonter ton chien de Rouge Pompier. Passer dans le temps de le dire, ça. Tais-toi, on va manquer à toune. OK. Dédonter ton chien, dédonter, j'ai dédonté ton chien. Il montait sur le divan, mangeait de la crème glacée. C'était le plus beau week-end de sa vie. J'ai de la crème glacée. C'était le plus beau week-end de sa vie. Fin! Nouvelle entrée. Dumb.

Un gros blague de nouvelles entrées, on va entendre Dr. Dog et Love, deuxième extrait de l'album Be Room en position numéro 19. Et en 19, francophone, c'était Vice étrange d'Ariel. Ah, que je suis content de retrouver Ariel et leur nouvel album Fauve s'en vient, j'imagine bientôt. Hein? C'est-tu une petite sirène? Ariel? Ouais. Ouais, dans les films de Disney. Es-tu rousse? Non, mais leur album était rose et noir, tu sais. Que... C'est quoi le rapport? Ben, c'est proche, là, c'est fille, t'sais. OK. Mais Ariel, c'est un gars, en passant. Numéro 20, anglophone, on a entendu de Pac AD. Premier extrait de l'album de Nathan Gage, c'est Big Shot. Et du côté francophone, Dédompter ton chien de Rouge Pompier. Mm-hmm. Il reste encore trois nouveautés francophones et une anglophone. On va y aller avec les 18e places dos à dos. En fait, genre, d'un coup sec. C'est les 18e places, on est capable de les prendre. Du coup, dans le fun, ce sera Trent Muller et Gravity. On va tout d'abord entendre Monogrenade avec la pièce Tes yeux. Là, je parle pas la pièce comme dans le sens d'un morceau de ton corps, okay. Mais pièce musicale. Ah! Parce que c'est quand même difficile à entendre des yeux. C'est vrai. Mais ouvrez-le bien grand pour écouter ça au palmarès. Oui, logique. Moller. Et la pièce Gravity, c'est une nouvelle entrée en 18e position du côté anglophone. Et du côté francophone, on a entendu Tes yeux de Mono Grenade. Mm-hmm. Trent Moller, qui est un Danois, qui fait de la musique électronique. Oh, Danois! Danois, comme une Danoise. C'est un chien. Ah, OK. Ça, tu vois, t'allais dans le côté animalier, moi, j'allais dans le côté pâtisserie, tu sais. Mais c'est parce que pâtisserie, c'est danoise, alors que là, t'as dit Danois, donc c'est plus une race de chien. Et c'est pas une fille, donc Trent Moller. Ah ben je sais pas, c'est toi qui viens de dire ça, le Danois. Ouais, raison. Malheureusement. Oh, oui, j'en dis bien des choses. Il nous reste encore deux nouvelles entrées. Par contre, du côté anglophone, elles ne sont pas nouvelles, donc on va les sauter en anglo 17e place. Ce sera Pop Keepsake de Honolulu. Et en 16e place, on a entendu Imaginary Cities avec Bells of Cologne. On s'en va donc entendre du côté francophone en 16e place Rêver souvent de Jimmy Hunt. Mais on commence bien sûr avec la 17e place et c'est Scaphandre de David et les Bois. Par rêver souvent, est-ce que tu veux dire rêver sous le vent ou rêver, c'est comme dans souvent? Là. Rêver sous le vent, et si tu crois que c'est fini, jamais! Ce n'est pas le marais, c'est fou, que des hits! Je croyais que je t'aimerais toujours. Dans mon scaphandre, le temps n'existe plus. Et j'étais sous l'emprise de ses bras à de fer. Ce soir, l'orage s'est abattu sur le grand boulevard. Et les éclairs ont fait des stries de sang dans mes yeux. Scaphandre pressurisé. Tu fus une illusion dans ma bathysphère, formant ma réalité, étouffant mon atmosphère. Tu fus illusoire dans ce bathyscaphe de maison. Lentement, montant à la surface, plongeant par plongeant. Ta voix qui émanait de la radio, la foudre frappant. Tu fus illusoire dans ce bathyscaphe de maison. Je t'oublie sûrement, montant à la surface, plongeant par plongeant. de maison. Je t'oublie sûrement, montant à la surface, plongeon par plongeon. Nouvelle entrée. C'est rêvé souvent, nouvelle entrée en 16e en francophone. Oui. Et tout d'abord, j'allais dire tout d'avant, on a entendu en 17e place Scaphandre David et les Bois. Tu penses que c'est enfergé tous les deux dans nos mots, c'est correct. Non, mais ça. Moi, ça devient récurrent, là. Ça va être propre à la fin. C'est pas récuré, Mathieu, récurrent. Parle-moi pas de curé et de religion. Okay. Ouais. C'était ce blague de ce calibre-là que vous allez peut-être entendre dans un bloc un instant classique plus tard. Mais là, on n'est pas rendu là, fait que le lien va rapport. Là, c'est parce qu'on vient d'entendre 8 nouvelles entrées et elles étaient bonnes et elles me rendent heureuse. Mais par contre, c'est comme... quoi? Dans ma vie, ouais, mais me rendent heureux. Aïe, je parle. Oh, c'est pas ma journée. Lâche-moi, basket. Ça, c'est drôle, par exemple. C'est très, très drôle. Bref, 8 nouvelles entrées, ça me rend heureux au masculin. Okay? Heureux d'être un homme viril. Oh, ouais, un gros pénis. Hey. Tu sais, dis pas ça à la radio, c'est un secret. Que j'ai un gros... Que t'as un gros... oui, quand même. J'ai un gros pouce, check. Je musclé du pouce. Ouais. Je joue au Nintendo.

The Darcys et Muzzle Blast, position 14, ça monte de 4 places en anglophone. Un peu plus, puis il finissait pas sa toune. Genre, hein? Et en 14e francophone, c'était Terrifié, terrifié de Mange l'ours mange. Ben oui. Tu vois, on revient après une chanson super mollo, genre dépressive presque. Là, on se met un petit fond entraînant pour après ça retourner avec du lover music. Du côté anglophone, il y aura Set the Whale et Willows qui montent de 7 places et qui étaient nouvelles la semaine passée. Mais ça monte d'un du côté francophone. Excusez, j'ai donné un coup sur mon micro. On s'en va entendre La couleur des jours d'Audrey Emery. Ouais. Puis tu savais-tu ça, Mathieu? Que... Non, dis-moi en plus. Ah non, c'est tout. Non, le Huffington Post Québec ouais. a publié le top 10 des jeunes artistes québécois surveillés en 2014. Et Audrey Emery en fait partie. Aux côtés Audrey Emery en fait partie? Non, Audrey Emery. Emery en fait partie, ah, okay. Concrètement, aujourd'hui, maintenant. Aux côtés d'Alexandre Desilets. On a aussi David Marin, Patrice Michaud, qui vient de mon petit coin de pays, à Capcha. Donc, c'est quand même cool. Mmh. Il va sortir son deuxième album le 4 février. Philémon Simon. Donc, quand même des noms qu'on a entendus beaucoup ici. Assez fou. Donc, intéressant de savoir que ce sont des gens prometteurs. On a hâte d'en entendre plus. Évidemment, on les fait jouer avant tout le monde parce que c'est le but, c'est fou. Parce qu'on est hot. Et voilà. Ça, je veux dire, c'est comme, oh, vous allez les découvrir, vous allez voir en 2014 parce que nous autres, on les connaît déjà. On a des épisodes de la musique, des musicsters, des musicsters. Genre? Yes. Yes. Donc voilà, hey, tantôt on disait que c'était un petit peu sexuel comme chanson et tu disais qu'elle t'accroche ton micro, fait que moi je dis elle, c'est pas vraiment des micros qu'elle accroche. C'est quoi? C'est quelque chose de la même forme, même gabarit qu'un facile. Micro. Facile. Facile. Ça. Les hommes faciles qu'on appelle. Facile, humus, mis ensemble. Humus? Ben, je voulais que ça finisse en us. Facilumus. Facilumus. T'es là comme un pont suspendu entre moi et la mer. T'arrives avec les outardes saoulées d'imaginaire. Oh, Boys. Once upon a week ago I thought this, and I promised that I never would repeat it, but I know, so you know, I've never been one to reveal a secret, but if you hear it somewhere else you won't believe it, so it goes. The Willows de Set the Whale. Pour ce numéro 13, ça monte de 7 places. Et du côté francophone, La couleur des jours d'Audrey Emery. C'est la fin de cette portion de l'émission, mais on revient dans quelques instants avec la portion top 10. Et là-dedans, on va entendre les positions 10, 9, 8, 7 et 6, mais sûrement pas 6 parce qu'on se rend jamais jusque-là. Bon, on va voir. On verra. Il y aura aussi les essais classiques d'Assemblage Requis, alors restez avec nous. Oh, ouais, carré. Sexy, pas mal. Non, je suis l'écureuil. OK. Veux-tu goûter à mes noix? Hein? OK. Oh. Dis-je naïvement. C'est fou. 89.1. Ha ha ha! Bon retour, c'est la deuxième heure des Palmarès C'est fou pour la semaine du 13 au 19 janvier 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. On entre dans la portion top 10, mais on a oublié de dire qu'est-ce qu'on avait sauté en fin de première heure. Donc, les positions 12 et 11 en anglophone. La 12e, c'est Lederhosen, Lucille et Kristen Muir avec Chicken on Clark. Et la 11e, c'est The Civil War, c'est I Had Me a Girl. En francophone, en 12e place, c'est Mafia Douce de Pendentif. Et en 11e, sans monter de neuf, Ton cheval est mort de Montréal Carnivore. Ces quatre pièces-là sont là depuis seulement 2 à 3 semaines, dépendant desquelles. Donc, elles seront prioritaires si on a le temps de revenir en arrière. C'est ça. On a une top liste des tunes sautées de notre top 20. Pourquoi faire facile quand on peut vraiment compliquer la chose, tu sais? OK, yes. Donc, on commence l'heure top 10 en anglophone et en francophone. De toute façon, genre l'anglophone sera après le francophone parce que dans l'ordre, c'est comme ça qu'on fait les choses. Hein. Tu comprends le principe, Adam? Non. T'as pas remarqué que c'était francophone en premier, puis... Non. Du coup, dans l'eau, c'est Braids et In Kind qui montent de 3 places. Et moi, ça descend de 2. C'est ton sac de natation du navet confit. Oh, palmarès, c'est vous. Des légumes abandonnés du vrac. Dans les mauvais bacs, ton amour propre dans un présentoir. Tes yeux comme deux olives farcies, tes yeux parlent avec le commis, l'inter comme des goulines de bas prix, de mépris, de bas prix. De mépris, il fait froid, tout est gris, une odeur de vomi. Et tous ces gens qui s'avalent dans les allées, ils vont et viennent ensemble quand la lumière est fermée. Tous ces gens qui s'avalent dans les allées, ils vont et viennent ensemble quand la lumière est fermée. Entends-tu les néons qui parlent trop fort? Et le styromousse qui s'emballe encore au comptoir des viandes tachées? As-tu bien vérifié la date? Des organes qui sortent Morning. C'était Braids et In Kind. C'est la position numéro 10 du côté anglophone sur l'album Flourish Pirish. Et du côté francophone, on a entendu Navet Confit avec sa pièce Ton sac de natation. Tu sais que tantôt, là, on va se gâter. Oui, tu parles pas des photos que je suis en train de regarder sur Internet. Non, mais tu regardes ce que tu veux, là, je te juge vraiment pas. Quand ça dit bad request, là, je pense que ça voulait dire genre bad request. Comme ça, oh, that's a bad request. Mais montrez-moi la photo qui va avec, Colin. Du coup, tant que le fun en 9e place, c'est Cow Puncher. On parlait de fantasme. Hein? Bridesmaids, ça monte de place. Toujours voulu frapper une vache, tu sais. Ben oui, toujours dans le monde. Juge-moi pas. Moi, j'ai, en tout cas. Déjà frappé un bœuf, mais ça, c'est une histoire. Du côté francophone, on s'en va entendre La Caravane de Brady Cardi. Ça a monté de 6-7. 6-7, là, à peu 7. Près. Non, mais je comptais dans ma tête. OK. Fait que tu vas me raconter l'histoire du bœuf. Hein? Du bœuf? Ouais. Non, c'est un gars, je fais juste faire le masculin de vache. Ah. C'est pas parce que tu as fait peur. Hein? Comme une mauvaise blague que je vais faire plus tard dans un instant classique. C'est comme pour teaser encore, c'est une blague de bœuf. Là. Non, moi, je l'ai frappé pour vrai. OK. Ben, on s'en reparle tantôt, OK? OK. C'est pas mal, c'est fou. Yeah.

8. Jaboulat et Tantor Shadow, position numéro 8 qui monte d'une place. Du côté francophone, on entend du Claude Pelgag et Rayon X. Mmh. Position numéro 7 qui s'en vient juste là. Et après ça, on va faire C'était fou. Ben oui. On va retourner en arrière. Jadis. Par la porte de l'arrière. Non, non, ça va. Dans le backstory. Du côté anglophone, la 7e, c'est l'ancien numéro 1 de Cat Empire et Wild Animals. Et du côté francophone, c'est aussi l'ancien numéro 1. Ça fait 7 semaines que c'est là et c'est le vent vire de David Marin. Ça me fait ça souvent, les numéros 1 qui descendent à la même position vers le bas. Et tu m'as fait remarquer aussi qu'il y a un espace de trop entre David et Marin. On est de même, hein, nous autres, on est comme obsessifs compulsifs. Hein? Ouais, mais tu sais, à force de corriger les textes du zone campus, les espaces, là, les grosses espaces. Les grosses espaces. Les grosses espaces. Oui, excuse, j'ai oublié mon. Tant comme faut, on t'a radio, man. Ouais, elle sait. C'est pas le reste, c'est fou, man. Man dude, man, dude, man bro. Dude, ah ouais, c'est ça. Dude, man bro dans le gâteau. Tout ce qui tombe à l'eau. Bro et Martineau. Tout ce qui tombe à l'automne. Comme un matin de rentrée. Un cadran qui sonne.

L'ancien numéro 1 anglophone de Cat Empire et Wild Animals, maintenant 7e anglophone. Et du côté francophone, aussi l'ancien numéro 1, c'était Le Vent Vire de David Marin. Maintenant, on recule un petit peu dans le passé. Voici le bloc, c'était fou. Attends un peu, c'est vrai, j'ai changé ma façon de faire ça, puis j'ai pas pensé à comment le placer. Ouais. Hey, c'est une bonne petite toune. C'est qui chantait ça? C'est Mathieu Plante. Bah, c'est pas un chanteur de merde, tu me sens. Pas mal, ouais, c'est ça. Voici C'était fou. C'était fou, c'est le bloc des pas mal assez fous. On recule en arrière et cette fois-ci, on recule pas mal, pas pire loin, là, en 2007. C'est la semaine du 12 au 18 janvier 2007. On va entendre le numéro 1 anglophone, Patrick Watson avec Giver sur l'album Close to Paradise. Et une pièce bonus à la toute fin de Bird and the Bee avec Again and Again sur leur album Again and Again EP. C'était pas pas titre, c'est un bon titre, je trouve. Ouais. Mais on va débuter avec Dumas sur son album Fixer le temps. Tout de suite, voici Au gré des saisons. Classique dans C'était fou. 89 FM. Change. And there is a name. How about? changing times a little fast. Isn't it strange and nothing ever lasts? Well, now it's me. How about you? C'était le bloc C'était fou de cette semaine du 12 au 18 janvier 2007. On a entendu en pièce bonus à la toute fin The Bird and the Bee avec Again and Again sur l'album Again and Again and Again and Again. Redisons ça encore, ouais. Again and Again sur l'album Again and Again and Again and Again. Un peu, c'est un maxi, fait qu'il faut dire un peu. Ouais, c'est vrai, c'est maxi long. Pas mal maxi long, mais c'est une demi-pièce préférée de l'histoire de C'est fou, j'adore. Ah, une demi-pièce, j'ai compris, une demi-pièce. Je trouve ça très drôle que ce soit une pièce super courte avec. J'aime la deuxième moitié. Avant ça, en première position anglophone, c'était Patrick Watson et Giver sur l'album Close to Paradise. Et en première franco, Dumas, ou comme je l'appelle, Dumas. Avec Au gré des saisons sur l'album Fixer le temps. Donc, c'était les pièces de la semaine du 12 au 18 janvier 2007. 2007. Wow, 2007. Ouais, c'est du passé, ça. Là, ça fait quoi, genre 7 ans? Environ, c'est à peu près ça. 2014-2007. Ouais, ouais. C'est là. Super, et en même temps, ben, c'est la fin de cette portion top 10 de l'émission. On va se retrouver dans quelques minutes pour la portion top 5 qui va comprendre deux nouveaux numéros 1 parce qu'on a dit qu'ils sont passés date, sont périmés. Sont out! Out! C'était tellement 2013 ces pièces-là. Hey, tellement! Nous, par contre, on reste 2014 forever and ever. Non, juste comme 14. Oui, c'est vrai, 14. Il y avait une transition en 2013-2014. 1-4. One for all, tous pour un, pour tous, c'est les trois mousquetaires. Sauf qu'on est on juste est deux. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Bon retour, c'est la troisième heure des palmarès fous pour la semaine du 13 au 19 janvier 2014. Elle est Stéphanie Paradis. Toi, c'est Mathieu Plante. Merci. Quand est-ce que je commençais à dire 14? Alors, je sais pas, mais c'est quand même difficile là, de prendre des nouvelles habitudes comme ben, ça. C'est ça. J'ai déjà de la misère à dire genre les positions qu'on saute à la fin de l'heure d'avant au lieu du début de l'heure d'après. T'sais, ça n'a comme pas de sens. T'sais. Mais on va y aller une chose à la fois. On va refaire l'intro. Ça va être parfait. J'ai bien ça. Bon retour sur la troisième heure des palmarès Sifou pour la semaine du 13 au 19 janvier 14. Elle est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Ça sonne mal, je l'aime pas, j'aime pas ça. Mais j'étais sûr que t'allais te tromper. On recommence, non? Que j'aime tromper? Ben oui. Mais voyons donc. Mais voyons donc. On dit quelque chose trois fois, puis tu l'oublies tout le temps pareil. Je le sais, c'est tout le temps pareil à chaque maudite semaine. Comme tantôt, je te dis, là, tu vas mettre la pub, là, entre les deux tounes. Ouais. Oui. Mais je vais sûrement l'oublier. Puis déjà, de te dire ça, tu l'as oublié pareil. Mais d'habitude, quand je me dis « je vais l'oublier », là, ça me force à m'en rappeler. Mais bon. Mais c'est pour ça que je trouvais ça louche. Ah, les gars. Pour revenir à la même erreur que j'ai fait il y a une heure, les positions numéro 6 qu'on a sautées en fin de deuxième heure étaient en anglophone Jobin et Soweto qui descendent de deux places. Et du côté francophone, ça a descendu de 1, c'était Adieu mes chats de Jacques Maure. Mais maintenant, c'est l'heure top 5, donc vivons dans le présent, oublions le passé. En cinquième anglophone, il y aura Radical Face et Holy Branches qui est stable. Et du côté francophone, on s'en va entendre Mimi Van Der Glo et Plus je crie! Au palmarès, c'est fou! 89 FM! Ah, parfois j'écoute la nuit qui râle. J'entends le dégoût dans vos silences. Le corps est rincé par le temps qui passe. La fatigue gravée sur ma peau. La vie adulte est une terre. Qui me donne froid dans le dos. Plus je crie, plus je disparais. Plus je crie, plus je disparais. Plus je crie, plus je disparais. Toujours et à jamais, jusqu'à ne plus sentir ta peau. Du bout des doigts jusqu'au tréfonds de mes os. La vie adulte est une thermopompe qui me donne froid dans le dos. Plus je crie, plus je disparais. Plus je crie, plus je disparais. Plus je crie, plus je disparais. Toujours. We'll be right back. 5? Radical Face et Holy Branches, c'est stable en 5e place anglophone. Et du côté francophone, ben ça a descendu de 3, c'est Plus je crie de Mimi Vanderglo. Ah! Oh! Mimi Vanderglo! En 4e place maintenant du côté anglophone, Mark Burobe et Confession to Streetlight qui montent de la 11e. Et du côté francophone, on s'en va entendre On a créé un monstre avec Le corps est lourd. Et restez là parce que juste après, tout à l'heure, dans genre combien? 7 minutes environ, ça va être ailleurs dans les palmarès. Oh. T'as hâte, hein? Hey, vraiment. Mmh. Je me peux plus, j'ai hâte de chanter. Ah oui, on a vraiment ça dans la gorge. C'est, okay. C'est quoi un hot chicken, ça, que t'avais dans la gorge? Hot chicken. Quand la pluie tout raide et la gravité affamée, il n'y a aucun filet en dessous de tes pas. Tu as tout ton poids. La vide a tout son temps et la lourdeur de ton tourment te déshabille parfois. Le corps est lourd, mais l'âme est légère comme une lame.

C'était Mark Berube et Confession to a Streetlight, position numéro 4 qui monte de la 11e. Et du côté francophone, ben ça a descendu de 1, le corps est lourd, on a créé un monstre. Et c'est ce qui nous amène à Ailleurs dans les palmarès. Ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès. Ah, on met des petites variantes là à chaque fois. Ailleurs dans les palmarès, c'est assez loin. J'ai pas aimé celle-là. Un peu trop loin. C'est personnel. Ah, ben, c'est allé trop loin, c'est pour ça que. Dis de même. Ah, je suis même pas capable de décrocher de ça. C'est même bizarre ce que tu viens de dire. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, les palmarès, c'est fou. C'est plus que seulement un top 20 francophone et un top 20 anglophone. C'est aussi un top 30 des albums, un top 3 des disques canadiens, un top 10 loud et un top 5 musique du monde. Un souffle. Moi, je suis même. Donc, du côté du top 30 des albums, on a deux nouvelles entrées. En 20e place, c'est The Pack AD avec l'album Do Not Engage. Et en 18e, c'est Trent Muller avec l'album Lost. Ensuite, on passe au top 3. En 3e place, c'est Lucius avec l'album Wild Woman. En 2e place, c'est Stab, c'est Royal Canoe avec Today We Believers. Et finalement, en 1ère place, sans monter de 2, c'est Sébastien Granger avec Yours to Discover. Ensuite, au top 3 des disques canadiens, en 3e place, c'est Marc Berube avec Russian Dolls. En 2e, c'est l'ancien numéro 1, Royal Canoe avec Today We Believers. Et finalement, le numéro 1, ça monte. La 2e place, c'est Sébastien Granger avec Yours to Discover. Dans le top 10, Loud, une seule nouvelle entrée. En 10e place, c'est The Devin Townsend Project et The Retinal Circus. En 3e place, ça monte de 2, Motorhead et Aftershock. En 2e, c'est stable, Epica avec Retrospect. Et en 1ère, c'est stable aussi. 3e semaine de présence pour Hell avec l'album Curse and Chapter. Dans le top 5 des musiques du monde, deux nouvelles entrées, une en 5e place, On Saturn's Ring, pièce de Kevin Siddiqui et Bijan Shemirani. En 3e place, Nomad Slang par Ibrahim Malouf. En 2e, c'est l'ancien numéro 1, la track 3 par Maz. Et en 1ère, ça monte de 2 places, la pièce Bonbons Étoiles de Nathalie Naziembe. C'est la dernière chanson qu'on avait écoutée dans la chronique Ailleurs des palmarès en décembre passé. Ah! Ça fait longtemps. Mais maintenant, le top 5 de musique du monde est parcouru par David Ferron à l'émission Brancher le monde les dimanches soirs. Et je suis sûr qu'il serait bien heureux qu'on vous fasse entendre une de ses pièces. Donc, on va aller entendre la position numéro 3, celle de Ibrahim Malouf. Voici Nomad Slang, Ailleurs dans les palmarès. Ça part bien, je trouve. Avec ma voix-tu? Non, pas ta voix. Non. Ibrahim Malouf et Nomad Slang sur l'album Illusion, c'est ce qui fait partie du bloc, tu sais, celui qu'on appelle... Ailleurs dans les palmarès. Assez, une fois c'était passé. Oh yeah! Bon. On vous rappelle d'écouter Brancher le monde avec David Ferron les dimanches entre 17h et 19h pour avoir plus de ce top 5 musique du monde. Pour avoir encore plus de nos voix aussi, parce qu'il y a quand même notre intro. Là. J'ai fait l'erreur de lui couper la chanson qu'on a chantée là. Mais OK, c'est la chanson qu'il a coupée. C'est ça, j'ai coupé ça, fait qu'elle a fait jouer. C'est spécial, hein, tu sais, quand tu roules en auto le dimanche soir, puis t'entends une musique, là, un peu, tu sais, là, à un moment donné, tu t'entends crier à la radio. C'est ça, puis là, l'arbre est tentant, tu sais, tu fais comme, ouh, je vais foncer dans l'arbre pour me sauver de ça, t'sais. Mais bon. donc voilà pour le bloc Ailleurs dans les palmarès. On retourne à notre édition standard. On était rendu en troisième place du côté anglophone. C'est Luscious, c'est Turn It Around qui monte de trois places. Mais on s'en va tout d'abord du côté francophone. Ça monte d'un, c'est Ligne ouverte de Hautech. Non, là, c'est standard. Ah, c'est fini. Ouais, c'est fini. Décroche. Regarde. Tu ne changeras pas, t'es pas ma mère. Non, une chance. Strangles everything. Ashes. Et Turn It Around. Turn Around. Non. Plus fort que moi. Ouais. Pas fort, ça. Je trouve que tu donnes un mauvais exemple. À qui? À qui? De la base sur le pied. Donc, Lachus et Turn It Around, position numéro 3, ça monte de 3 places. Et ça monte d'un du côté francophone, c'était Ligne Ouverte de Hautech. J'aurais pu aussi dire, genre, là où ils vendent des sushis. À qui? On va pas faire de pub. Moi, ils sont même pas bons, de toute façon. Ils pourraient annoncer un jour ici. Attention. Je pense pas. Non, sûrement pas. Position numéro 2 maintenant, du côté anglophone, Royal Canoe et Birthday qui est stable sur leur album Today We're Believers. C'est moi qui gagne. Moi, ça monte de 4. C'est Morning Man des frères Goyette. Ouais. C'est notre pièce préférée en plus. En plus, pas du tout ironiquement. On est-tu gâtés? Yeah! C'est des palmarès, c'est fou. J'ai le goût de décrotter les dents avec un brin de foin. Je dors la nuit dans un cheval de Troie. Fixe le ciel sur mon oreiller de bois. Ah, puis je me lève à l'aube, je vole les ondes. Ma radio pirate au sous-sol. Place l'aiguille, fais chanter le vinyle. Partant couvert, on m'entend jusqu'en ville. J'ouvre mes micros. Ah, je parle souvent à travers mes chapeaux. Ma grande gueule ouverte, je lève les couvertes. Franc parler, musique country. Les mains t'apportent la fine pointe. Le bonheur est là, l'antenne est longue. Le morning man a vu. Font jaser les jaloux. C'est dur à croire qu'on m'écoute jusqu'au bout. Je me fais tirage, moi je laisse la place aux monde qui ont jamais eu le micro. Une voix d'or sur fond de cafetière. Des graines de toast dans des journaux ouverts. Frappe un mur lorsqu'on jase de licence. Je mettrai pas une scène pour dire ce que je pense. Sur les ondes AM, c'est moi qui mène le flibustier des ondes hertziennes. L'émetteur porte la fine pointe. Le bonheur est là, l'antenne est longue. The morning man a vu. Sur la Vermillon, c'est plein soleil aujourd'hui. 12 degrés à l'extérieur, moins de rosée à 4. Aux éphémérides aujourd'hui, il y a 15 ans, Colette Pichet posait son avion sur les Açores, on s'en rappelle. On poursuit en chanson avec Gilles Vignon. Deux? Thank you. Birthday stable en deuxième position anglophone sur l'album Today We're Believers. Mais tout d'abord, du côté francophone, on a entendu Morning Man des frères Goyette. Ouais, on n'a pas entendu par contre Gilles Vigneault entre les deux comme il l'annonçait, malheureusement. Ben non, mais là, on dirait qu'on fait tout le temps plein de fausses pubs. Tout le temps, c'est pas correct. C'est comme annoncer quelque chose que tu sais très bien qu'il n'y aura pas lieu, comme mettons dans un menu d'une émission du matin entre 6h30 et 9h30. Puis il y a comme deux chroniqueurs qui se présentent pas. Tu sais, ça arrive, ça, maintenant. Ouais, ouais. Mais bon. Donc, on est rendu au numéro 1, ce qui veut dire qu'il faut faire des jeux de mots poche. C'est comme bon, ça. Bon, ça y est, j'attache ma tuque. Non, attache ton casque plus, comme si tu allais dans l'armée et que tu devais aller affronter le territoire ennemi. Et tu dirais, je pars au combat, tu sais, avec ton arsenail d'armes ou plusieurs arsenails, donc des arsenaux. Arsenal, tu comprends? J'essaie de faire une blague avec Arsenault. Tu t'essaieras, toi, de faire des blagues ouais, avec Guillaume Arsenault. Ouais, mais si tu fais des blagues avec des fautes de français, ça me touche. Genre, j'aime pas ça. J'avoue, ça, ouais, ça me rappelle un petit peu comme, tu sais, les jus en carton. Qui ont genre en carton, pardon. En carton, ouais. Excuse-moi. Qui ont beaucoup de genre de microbes. Au fond, quand tu l'ouvres, tu as vu des vidéos, c'est partagé sur Facebook, là. La sorte de jus est aussi le nom de l'album de Guillaume Arsenault, Oasis Station Service. Je vais pas dire le nom, mais. C'est assez difficile, moi, c'est ça. Mais bon, que voulez-vous? Hein? C'est de même, je suis de service de même à cette station de radio, on l'appelle C'est Fou. Oasis Station Service, on la comprend. Hein? Tu me suis là-dedans, tu me suis? Je te suis. Tu me suis jusqu'au bout du monde? Genre, avec moi? Au bout du monde? Going with me? You know? Ouais, ouais. Okay, en ça... Ontario. Hein? We used to discover. Le nom de l'album, en effet. De toute façon, l'Ontario, ça doit être le bout du monde. Puis, ouais, c'est ça. Puis au pire, si on l'aime pas, ce jeu de mots-là, on va l'amener en arrière dans Gringer pour le... Comme un animal que tu tuerais avec un... C'est dark un peu. Tu un animal, c'est dark un peu. Mais en fait, ça fait de la viande dark quand tu le fais cuire après ça. C'est une blague d'animal mort que tu ferais cuire. Histoire, pas de punch! Oh, ben là, je l'ai pas avec moi. Il fallait que tu me demandes ça pour que je l'aie pas. Ben là, tu devais mettre en attente, c'est toi qui parles. Ouais. En tout cas, ben écoutez, mes chers auditeurs, si vous avez pas compris, je vais vous aider. Donc, les numéro 1 cette semaine, du côté anglophone, ça monte de 2, c'est Going With You de Sébastien Granger. Mais tout d'abord, on va l'entendre du côté francophone, Je pars au combat de Guillaume Arsenault, ça monte de 6. Au premier, c'est fou! Histoire pas fun. Job, ça. Ça fait la job, certain. Tu l'as eu. Tu l'as demandé, tu l'as eu. Merci. OK. Tu sais quoi faire, dernière? Puis ça va 100 piastres. Puis ça va 100 piastres. Oh, le falsetto, tu ris de mon falsetto. Ton quoi? Falsetto, c'est Dani qui m'a dit ça, le falsetto. OK. Ouais.

C'était les positions numéro 1 de chaque côté. En anglophone, on vient d'entendre Sebastian Granger et Going With You qui montent de deux places. Alors que du côté francophone, on a entendu Guillaume Arsenault et la pièce Je pars au combat. Il reste encore quelques petites minutes à l'émission d'aujourd'hui, donc on va compléter avec les positions numéro 11 qu'on a sautées précédemment dans le milieu d'émission environ. Plus tard, à la toute fin de l'émission, on entendra Civil Wars, mais on va entendre le côté francophone seulement pour l'instant. Oui, donc on s'en va entendre la 11e place francophone. Ça montait de 9, donc c'est une nouvelle entrée la semaine dernière. C'est Ton cheval est mort de Montréal Carnivore. Et on vient se dire bye après. Wouhou! C'est des palmarès, c'est fou! C'était un soldat ou un palmarès. Le choc était trop gros. Il ne pouvait pas le faire. T'étais convaincu qu'il n'y avait aucune barrière. Et que t'aurais dû prendre une fois par un pas d'arrière. Ton cheval est mort. Tu n'as plus de monture. Ton cheval. Carnivore et ton cheval est mort. Ça monte de 9 places en 11e francophone. Ton cheval est mort. Mais Caroline, mes sympathies et autres. Hein? Penses-tu que ça veut dire, tu sais, comme quand tu dis mon chien est mort, ouais. Là? Mais lui, c'est comme encore plus gros, plus grande catastrophe, genre mon cheval est mort. Ça se peut, ça. Ça se peut. Ouais. Ben beau. Ben beaucoup de trucs pour endormir, peut-être aussi. Peut-être qu'il est juste fatigué, puis peut-être qu'il a été piqué pour qu'il. Tu sais, des fois, le truc calmant le cheval. Là, mais il serait pas mort. Mais non, mais c'est ça, bien l'air mort. C'est ça, ça. Okay. Bref, on se retrouve la semaine prochaine pour notre édition des Palmarès C'est fou. C'est en direct jeudi entre 15h et 18h. On repasse les vendredis soirs à 17h et les dimanches à partir de midi. Merci Stéphanie Paradis. Hey, merci Mathieu Plante. Ouais, si vous écoutez en direct, restez là pour la première de À livre ouvert, l'émission de littérature. Dans quelques instants. On veut pas vous énerver, là, mes chers qui s'en viennent en onde, là, mais nous autres, on a hâte de vous entendre. Ouais, la pression est là vraiment. On se quitte avec le numéro 11 anglophone. Ah oui? Fait que numéro 11 anglophone, on s'en va entendre. I had me a girl, The Civil Wars. À la semaine prochaine. De Civil War. De Civil War. J'espère qu'il baillera. Hein, tu vois? Tu essaies de dire le mot bégayer, ça sort de même. J'espère qu'ils baillera pas autant à la première de l'Ivo Valais. Laisse-nous faire. Bye. Salut, là. All that.